coucher avec moi, Elina. Et depuis tu ne me rappelles pas. Tu m'as susurré que je faisais l'amour comme un dieu. Et moi je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Wouh. Avec moi.